l'amour de la rime. Rifa, TLK, FLX gros, c'est le 8901. Hey, l'amour de la rime. Hey, l'amour de la rime. Hey, c'est le 8900. Ok, 1. Quand je prends le mic, je suis comme Céliane, Big White, Wheezy Man. Je balance des punchlines du Suriname jusqu'en Louisiane. Je ne joue pas les Beanie Man, inimaginable, inimanimo, putain de son de marginal. C'est FLX ma gueule, j'arrive sur le beat pour que tu fermes ta gueule. T'aimes déjà tu reculer, moi je suis vert, j'ai le seum. Quand je prends la feuille, c'est pour balancer du putain de son pour les refs, c'est l'amour de la rime. On fout pas la merde et on pousse pas au crime. On baisse pas nos jeans, on monte sur le ring. C'est pour les photos, ceux qui sont dans le shit, ceux qui sont dans le jean. Je griffe ma feuille comme Wolverine, dans mon casque ça tambourine. J'y passe toutes mes nuits, tu peux faire taire tous ces faux MC et leur pourri, balance une instru que je la carabine. Mon phrase résonne jusqu'en Arabie. Et ouais l'ami, la baramine. C'est pas pour les bleus à la belle carmine. Alors on gratte, on sort nos tripes. A chaque fois c'est la même quand on arrive. C'est l'amour de la rime qui fait qu'on le filme ton bide. Donc on avance et nix qui disent. Mesdames et messieurs, on a l'amour de la rime et la haine dans les yeux. Hey, pour nous c'est une putain de passion. On baissera pas nos jeans. FLX, IFA et DLK, c'est l'amour de la rime. Est-ce que tu t'imagines? C'est la femme qui nous anime. On bosse pendant des heures pour que ça cogne comme une baramine. Pour nous c'est une putain de passion, on ne baissera pas nos jeans. FLX, IFA et DLK, c'est l'amour de la rime. Est-ce que tu t'imagines? C'est la femme qui nous anime. Wesh les mecs écoutez ça, moi quand j'écris c'est pas pour rien dire. Moi j'aime bien quand ça kick, c'est quand je marque un but dès le premier tir. Moi je suis comme toi, il me faut des sous, une belle Audi ou une Mercedes. Mais j'ai qu'un micro pour faire des sons sur la mélodie, mes vers c'est blesse. Non y'a pas le temps de roupiller, faut charbonner vers du billet. Au pied de la tête au pied, les grenades sont dégoupillées. Ça pique grave, ça fait d'able bon pilon. On cherche des bails et les bons filons. Nous on tape pas de rail, on défouraille, on casse les reins, tu restes sur la page. J'ai des rimes à guélap de l'amour pour elle. Je représente JK, ouais t'as ma parole, on est là pour péra, pas pour jouer un rôle. Dédicace à ceux qui traînent dans les halls. Petit collage à droite et on décolle. J'ai les rimes et le flow qui te détrône. Et son, on va en faire des tonnes. Génération qui fout des codes. Le son du check, ça vient du 8-9. C'est pour toutes les tests, c'est pour tous mes rêves. C'est pour ceux qui soutiennent, ceux qui m'écoutent, ceux qui encaissent et mettent des coups. Attends, laisse-moi, je termine. Et vas-y, mets-la en veilleuse. J'ai l'amour de la rime avec de la haine dans les yeux. Hey, pour nous, c'est une putain de passion. On ne baissera pas nos jeans. FLX, IFA et DLK, c'est l'amour de la rime. Est-ce que tu t'imagines? C'est la femme qui nous anime. On se prend dans des heures pour que ça cogne comme une baramine. Pour nous c'est une putain de passion, on ne baissera pas nos jeans. FLX, IFA et DLK, c'est l'amour de la rime. Est-ce que tu t'imagines? C'est la femme qui nous anime. On se prend dans des heures pour que ça cogne comme une baramine. L'amour de la rime, l'amour du flow, vaut qu'avec moi-même j'en défie. Quand on nique les faux, nous on est des faux. Est-ce que tu nous identifies? Demande à Rifa comment on a faim. On taffe nos couples comme des fous. C'est le 8-900, t'inquiète on est là. Soldat des rimes, on garde à vous. Ouais c'est du lourd, c'est de l'or. Normal car ça vient du Tchekar. Nous ce qu'on vit c'est le disque d'or. Pour notre équipe de fêtards, on rappe pour l'amour de la rime. Ici bas tu sais que l'on trime. J'tire en plein milieu de la cible. La concurrence on la décime. Rifa, TLK, FLX, un son sur l'amour des lyrics. C'est pour tous les mecs du Tchex. Tous ceux qui prennent des risques. Eh hey, gros, il faut qu'on perce. On veut de la maille comme un braquard de Brinks. Mais y'a pas d'oseille, ouais c'est la haisse. Pour dans le terrain on le tease. Mais entre Renoir, Babtour, on veut chinois, pas de paquettisme. Mais l'amour de la rime, on le fait tourner avec la haine dans les yeux. T'écoutes et tonton Sma, moi je pense pour les jeunes et les vieux. Alors monte le son, moi c'est des la gros, on nique tous les envieux. Pour nous c'est une putain de passion, on baissera pas nos jeans. FLX, IFA et DLK, c'est l'amour de la rime. Est-ce que tu t'imagines? C'est la femme qui nous anime. On se prend dans des heures pour que ça cogne comme une baramine. Pour nous c'est une putain de passion, on ne baissera pas nos jeans. Hey, FLX, IFA et DLK, c'est l'amour de la rime. Hey, est-ce que tu t'imagines? Hey, c'est la femme qui nous anime. Hey, on se prend dans des heures pour que ça cogne comme une baramine.